إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروا الله على أن هداكم للكتاب والسنة ولفهم الإسلام الصحيح على فهم السلف الصالح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وهناك من المسلمين من يحقر المعروف إذا كان صغيرا وينظر إلى الكثرة ولا يفهم أن الله يبارك في المعروف إذا كان خالصا وصوابا والآن ونحن في مسجدنا الصغير مع قلة إمكانيتنا نرجو أن يبارك الله في جهودنا القليلة مع قلة علمنا ونقصنا وتقصيرنا فنستعين بالله رب العالمين على أن يوثق دعوتنا وأن يرزقنا الإخلاص فيها عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ويقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويقول من عمل صالحا فلنفسه تقدموا قليلا يا إخوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقي أخاك بوجه طليق رواه مسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صالعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تمحيدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن أذى يماط عن الطريق، ووجدت من مساوئ أعمالها أن النقاء تكون في المسجد ولا تدفن. رواه مسلم. وقال ناس من الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بدع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلالة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في زهرته صدقة، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بدع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. فمن هذه الأحاديث نفهم أن طرق الخير كثيرة، ولا ينبغي للمسلم أن يحقر منها شيئا. ومن أعظم المعروف حسن الخلق، وقد وصل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال أنس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا. وقال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقال عبد الله ابن عمرو بن العاص: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: أي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. ويقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ويقول تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من أزم الأمور وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنني قرابة أطلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وكان يقوله إذا نظر إلى نفسه في المرآة فكل هذا يدل على أعظم أهمية الخلق في الإسلام وأن أجره كبير والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اعلموا أن للإنسان صورتان صورة ظاهرة وهي خلقته منها ما هو جميل ومنها ما هو قبيح وصورة باطلة منها صورة حسنة ومنها صورة سيئة وهذا يعبر عنه الخلق فالخلق هو الصورة الباطنة التي طبع عليها الإنسان وكثير من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق لا يكون إلا في معاملة الخلق دون معاملة الخالق ولكن هذا الفهم خاطئ قاصر فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق فما هو حسن معاملة الخالق هو في ثلاثة أمور الأول تلقي أخبار الله بالتصديق والأمر الثاني تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق والأمر الثالث تلقي أقداره بالصبر والرضا وأما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه الحسن البصري وقال بأنه كف الأذى وبذل النبذ وهو الكرم والجود وطلاقة الوجه الحمد لله وجهدي dans la khutbah, on a expliqué que, alhamdulillah, il ne faut jamais maîtriser rien d'une bonne action, même si elle est petite. Parfois, on peut faire une action, et puis on s'imagine que, et oui, elle a toute valeur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, a dit, ne maîtrisez rien du bien que vous faites, même si c'est du fait de rencontrer votre frère avec un visage souriant, et bien ça fait partie du bien. Et donc, souvent on maîtrise nos actions. On voit qu'on fait une petite action puis on dit « Ah, ça vaut rien » parce qu'on juge seulement par la quantité et non pas par la valeur qu'elle peut avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on fait une bonne action et qu'on la fait avec sincérité et qu'on la fait selon la sunna, et bien cette action-là, même si elle est peu, même si elle est petite, elle aura une grande valeur au jugement dernier, et Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans cette action une baraka qui va la faire augmenter en valeur et en récompense. Et donc, il ne faut pas juger une mosquée par sa grandeur. Hein, des fois, la mosquée peut être petite, mais alhamdoulilah, s'il y a du bien dedans, et si les gens qui composent cette mosquée-là sont sincères, eh bien, il peut y avoir beaucoup de bien qui va en sortir, même si elle est petite, et même si les gens qui sont dedans sont peu nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit peu importe ce que vous faites de bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il en est au courant, il connaît cette chose-là. Et ce que vous faites de bien, même si c'est juste une attente, eh bien, vous allez la voir au jugement dernier. Et donc, il ne faut pas négliger quoi que ce soit de qu'est-ce qu'on peut faire de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé quelle est la meilleure action. Il a dit la foi en Allah et de lutter dans le chemin d'Allah. Ensuite, on lui a dit quel esclave est mieux, hein, c'est-à-dire lequel est mieux de libérer parmi les esclaves. Il a dit celui qui a plus de valeur et qui est plus cher, et qui a plus de valeur pour celui qui le possède. Il dit si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit qui aide les gens dans quelque chose de bien, ou bien peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à faire quelque chose. Et il a dit et si j'ai de la difficulté ou si j'ai de la faiblesse dans ça, il a dit au moins tu épargnes les gens de ton mal, du mal que tu peux leur faire. Et ça, c'est une bonne action que tu peux faire pour eux, ou aller pour toi-même. Et également, le professeur Anselm nous a encouragé en disant que chaque fois qu'on dit Subhanallah, chaque fois qu'on dit Alhamdulillah, chaque fois qu'on dit La ilaha illallah, chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, eh bien c'est une sadaqa, c'est une, comme une charité qu'on donne. Et chaque fois qu'on ordonne quelque chose de bien à quelqu'un, chaque fois qu'on interdit quelque chose de mal à quelqu'un, c'est une sadaqa. Et il a répété ça dans plusieurs hadiths. Même s'il y a quelque chose sur le chemin, et puis qu'on l'enlève du chemin parce que ça nuit aux gens, eh bien il y a une sadaqa dans le fait de faire ce geste-là. Hein? Donc ça veut dire d'éviter une nuisance pour les musulmans, d'enlever quelque chose qui peut nuire sur le chemin, déjà ça aussi c'est une bonne action. Même de sourire dans le visage de ton frère lorsque tu le rencontres, ça c'est déjà aussi une sadaqa. Et souvent, malheureusement, on n'a pas cette petite action-là, juste le sourire ami, que quelqu'un d'entre nous peut avoir pour son frère. Souvent, on est toujours en premier, puis on regarde les gens avec un air toujours bête, et ça c'est contraire bien entendu à la réalité du caractère du mu'min. Hein? Et donc, les sahaba, parmi les sahaba, il y en avait qui étaient riches et d'autres qui étaient pauvres. Et donc ceux qui étaient pauvres sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, ô messager d'Allah, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont pris toutes les récompenses parce qu'ils prient comme on prie et ils jeûnent comme on jeûne, hein, et ils donnent de leur argent en au monde. Tandis que nous, on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas faire des sadaqa, parce qu'ils ont une place au-dessus de nous et aller dans les bonnes œuvres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah vous a donné quelque chose que vous pouvez faire comme sadaqa vous aussi. Vous pouvez, à chaque fois que vous dites Subhanallah, vous avez une sadaqa. Chaque fois que vous dites Allahu Akbar, vous avez une sadaqa. Chaque fois que vous dites Alhamdulillah, vous avez une sadaqa. Chaque fois que vous dites Allahu Akbar, vous avez La ilaha illallah, vous avez une sadaqa. Vous ordonnez le bien, vous avez une sadaqa. Vous interdisez le mal, vous avez une sadaqa. Et même lorsque vous avez des rapports sexuels avec votre épouse, eh bien vous avez dans ça une sadaqa également. Elle et vous aussi, vous avez une sadaqa. Vous les deux, yani, l'homme et sa femme. Et donc, les sahabas ont été étonnés d'entendre ça et ils ont dit, oh, mais ça fait d'Allah. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il va satisfaire ses désirs, il va faire quelque chose qu'il aime et puis il va avoir une récompense pour faire ça? Et puis le prophète Hassan a dit oui. As-tu vu si quelqu'un faisait ça dans une façon qui est haram, c'est-à-dire qu'il va avec une femme qui n'est pas son épouse, ou bien, par exemple, qui fait ça en dehors du mariage, est-ce qu'il ne va pas être puni? Les sahabes ont dit certes, il va être puni. Alors la même chose, s'il le fait dans le halal, il est récompensé pour le faire. Et donc, ça c'est un exemple de bonne action qu'on peut faire. Et Abu Huraira, il a expliqué également un hadith qui explique que lorsque tu fais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu fais une bonne action et que tu juges entre deux personnes, avec la justice, eh bien, ça c'est une sadaqa. Et même si tu aides quelqu'un à monter sur sa monture, ça aussi c'est une sadaqa. Ou bien si tu lui donnes quelque chose, alors qu'il est dessus, également c'est une sadaqa. chaque pas que tu fais pour marcher à la mosquée, lorsque tu marches en direction de la mosquée, c'est une sadaqa. Et donc, combien de sadaqa on peut faire dans une journée, on ne peut même pas l'apercevoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi, l'iman, c'est 70 branches. La plus haute d'entre ces branches, c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever quelque chose qui nuit dans le chemin. Hein? Et il a dit également que la pudeur fait partie de la foi, c'est une branche de la foi. Et il y a un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu un homme dans le paradis qui est rentré, pourquoi? Parce qu'il a coupé un arbre qui était dans le chemin, qui nuisait dans le chemin des gens, il a enlevé ce chemin-là pour pas nuire aux musulmans. Et donc ça, ça nous montre l'importance de faire des bonnes œuvres et de pas maîtriser aucune des valeurs de ces bonnes œuvres. Voilà. Également, il n'y a pas rien dans la balance au jugement dernier qui aura plus d'importance et plus de valeur que le bon comportement. Il y a les dettes folies, d'agir bien, d'être patient avec les gens, hein, et d'avoir un bon comportement. Ça, c'est quelque chose, c'est la chose qui a le plus de valeur au jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple à suivre dans ce domaine-là, et c'est lui qui avait le meilleur des comportements, comme Anas radiallahu anhu l'a dit. Et il a dit même, en donnant l'exemple, parce que la mère de Anas, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a dit, je te donne mon fils, et elle est comme servant pour t'aider, elle est dans ses tâches ménagères et tout. Donc, Anas ibn Malik, Abu Hamza, eh ben, il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai servi pendant 10 ans, il ne m'a jamais dit oh. Et il ne m'a jamais dit pour quelque chose que j'avais fait, pourquoi t'as fait ça? Et il ne m'a jamais dit pour quelque chose que je n'avais pas fait, pourquoi t'as pas fait ça? Donc ça, c'est, subhanallah, ça nous montre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il avait de la patience, comment il était indulgent envers les gens, malgré que c'était son servant, hein, il agissait quand même bien avec lui. Et Aïcha radiallahu anha a dit que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur akhlaq, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien dans la balance au jugement dernier qui soit plus lourd que le bon comportement. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas la personne qui est vulgaire et impolie, qui dit des paroles laides, des insultes et des mauvaises paroles, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça fait partie du bon comportement. Et il a dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un peut atteindre des très hauts niveaux dans le paradis juste par son bon comportement. Et il a dit que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers ses femmes. Et donc, tout ça, c'est des choses qui nous font comprendre l'importance d'avoir un bon comportement. Et le comportement, c'est pas comme certains s'imaginent, Al-Khuluq, c'est pas juste envers les êtres humains. Il y a des gens qui s'imaginent que Al-Khuluq, c'est seulement dans les mu'amalat, c'est-à-dire les interactions que les gens ont les uns envers les autres. Et c'est pas exactement ça, en fait. Parce que, Al-Khuluq, ça a également rapport avec notre attitude et notre comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est la base du khuluq. Si on n'est pas capable d'avoir un bon comportement envers notre créateur, envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, comment on va être capable d'avoir un bon comportement envers les créatures? Eh bien, c'est impossible. Et donc, la base du khuluq, c'est d'avoir, trois choses. Premièrement, d'accepter les choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans le Coran et dans la Sunna, de l'accepter et d'y croire, et de se soumettre. Hein. Deuxièmement, c'est de se soumettre et de respecter et d'appliquer les règles qui viennent d'Allah et de son messager. Et troisièmement, c'est d'accepter qu'est-ce que Allah nous a prédestiné dans le Qadr, hein, dans le Maktoub, comme on dit, avec patience et satisfaction. Et donc, si on n'a pas appliqué ces choses-là, on n'a pas eu un bon khuluq avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on n'a pas un bon khuluq avec Allah, eh bien ça sert à rien, même si on prétend qu'on a un bon khuluq avec les êtres humains et qu'on a agi mal envers Allah subhanahu wa ta'ala, nos actions n'auront pas de valeur. Et une dernière chose également, avant de terminer, c'est que, donc, l'être humain, il a une apparence, comme on dit, il a une apparence extérieure et il a également une apparence intérieure. L'apparence extérieure, quelqu'un peut être beau, quelqu'un peut être laid. Et puis à l'intérieur également, quelqu'un peut avoir une belle apparence intérieure et puis il peut avoir une belle apparence, une laide apparence extérieure, une mauvaise apparence intérieure, et ça c'est exprimé par le comportement de cette personne. Des fois on voit une personne, elle est très belle à l'extérieur, sauf que son comportement la fait devenir laide parce que elle agit mal, elle parle mal, elle a de mauvaises manières. Tandis qu'une autre personne, peut-être qu'elle n'a pas une belle apparence physique. Toutefois, elle a des belles manières, un bon comportement, et à cause de ça, ça lui donne une beauté, ça reflète à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que, il faut pas juste s'attarder à l'apparence extérieure, mais le plus important, c'est l'apparence à l'intérieur, c'est-à-dire le khuluq, le bon comportement qu'on peut avoir. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. On ne m'a envoyé que pour compléter le meilleur des comportements. Donc ça, c'est la leçon que le prophète nous a amené et nous a apporté, c'est pour compléter cet aspect-là de notre vie, de notre religion. Et donc, c'est un rappel que je voulais donner à moi-même et à vous, Inch'Allah. Donc, نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا بالرزق والحياء وحسن الخلق وأن يوفقنا كذلك لحسن المعاملة مع الناس وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اعتدلوا صوت الصفوف صد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان تسويه الصفوف من تمام الصلاه حاد بين المنافذ والاقدام الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى